Salut, salut, vous êtes bien sur Radio Cayenne. On est le lundi 7 octobre 2019 et ce soir nous avons un emploi du temps très chargé. Du coup, je vais commencer par vous lire des textes de refuser de parvenir, idées et pratiques. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, le refus de parvenir, c'est une idée qui a été initiée par Albert Thierry, fin du 19e siècle, début 20e siècle. En gros, Albert Thierry, c'était un instituteur, sauf que il vient d'une famille de prolétaires. Il vient d'une famille de prolétaires. C'est le premier de sa famille à avoir fait des grosses études, à avoir commencé des grosses études. Et au bout d'un moment, il s'est dit stop, là j'arrête, parce que clairement, ça sert à rien. Plutôt, je vais continuer à éduquer un peu en étant instituteur, parce que de fait, ça sert à rien de s'élever tout seul si tous mes amis, tous mes camarades prolétaires aussi ne peuvent pas s'élever en même temps que moi. Voilà. Du coup, je vais vous lire un texte déjà de Grégory Chambin, Une école de refus de parvenir. La P2 Pédagogie d'action directe d'Albert Thierry, 1881-1915. Que le principe du refus de parvenir ait été porté par un instituteur de la Troisième République a assurément de quoi surprendre. Fils d'un gars du bâtiment, brillant étudiant, sorti premier de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, Albert Thierry avait tout pour incarner le modèle de la promotion républicaine au mérite. Une carrière universitaire était envisageable. Elle lui aurait apporté confort matériel et prestige intellectuel. Il serait alors devenu un clerc de la République, sans peut-être renier ses idéaux progressistes. Il choisit cependant d'embrasser le métier d'instituteur, s'appliquant à lui-même ce devoir. Le refus de parvenir, voilà ce qu'une vie unique m'a enseigné d'unique, dont il fera le socle de sa doctrine, complétant le corpus idéologique du syndicalisme révolutionnaire. Avec l'exigence du refus de parvenir. Telle révolution, telle éducation. Qu'Albert Théry, le jeune instituteur, comme le définissaient ses contemporains, soit, par ailleurs, le promoteur de la pédagogie d'action directe, dit combien il entend faire de l'éducation le pivot central de sa réflexion. Telle révolution, telle éducation, écrit-il, avant de préciser ce qu'il faut entendre pour relier l'un à l'autre. De trois choses l'une. On vous appellera révolution. Une émeute politique, moins que rien, un tumulte d'un jour, grandiose et criard, glorieux, superficiel, et qui, le lendemain, laissera la même vie, ou pire, recommencer avec les mêmes hommes, ou pire, et je n'ai rien à dire, ces révolutionnaires-là n'ayant pas besoin d'éducation. Ou vous appellerez révolution une théorie sociale. Pas grand-chose, une doctrine et un dogme, syndicaliste si vous voulez, et révolutionnaire, tous ceux qui achèteront cette petite société de poche, et je me tairai encore, car ces fanatiques-là, l'éducation dont ils ont besoin, ils ne peuvent pas la recevoir d'une école de liberté. Ou enfin, vous appellerez révolution une invention plus étonnante que la machine à vapeur. Une organisation technique, intellectuelle, morale du travail sur la terre. Vous essayerez de la commencer aujourd'hui dans l'école, dans l'atelier, dans le syndicat, avec la collaboration constante des travailleurs. Et alors, j'estime que les écoliers et les apprentis peuvent vous aider. Et leurs maîtres seront là. D'autres, avant lui, tel Fernand Pelloutier, avaient fixé au syndicalisme la tâche d'instruire pour révolter, s'inscrivant dans un riche héritage libertaire de réflexion sur l'éducation et l'émancipation. Et pourtant, on réalise bien tout ce qu'il peut y avoir de paradoxal, voire de scandaleux, à aborder la question pédagogique à la lumière de ce refus de parvenir qui, à première vue, semble incompatible avec l'élévation attendue par tout processus éducatif. Surtout, ce principe d'une émancipation collective heurte de front les deux piliers du système éducatif français, l'élitisme et la méritocratie. Comment cette idée a-t-elle pu être adoptée par une fraction de la profession, à contre-courant des valeurs de l'institution et du parcours personnel de ces individus, mais aussi comment a-t-elle pu nourrir une aussi audacieuse et révolutionnaire, une analyse aussi audacieuse et révolutionnaire du rôle de l'école et de la pédagogie? Alors je passe à un autre texte qui est de Gianpiero Bottinelli, un autre refus de parvenir. Un autre refus de parvenir. Peu avant l'émergence d'une nouvelle globalisation capitaliste éclate, mai 68. Les événements ne se produisent pas sans signes avant-coureurs, même si on ne les attendait pas exactement à ce moment, et surtout avec une telle force. Mai 68 apporte à de nombreux jeunes gens un certain nombre de fondements théoriques qui leur faisaient défaut. Lesquels? Je mentionnerai juste une dimension fondamentale. Une partie des 68ards ne voulait surtout pas prendre la place de leur père ni celle des dirigeants. Ils considéraient que le privé était aussi politique, voulaient abolir le patriarcat, les inégalités, les chefaillons, la hiérarchie, toute forme de domination morale, politique et économique. Contre la volonté de domination, ils préconisaient un engagement collectif égalitaire, libertaire. Deux devises, ni esclave, ni patron, ni obéir, ni condamner. On ne considérait plus comme les moteurs de changement les seuls prolétaires, mais toutes les classes dominées, toutes les victimes du système. Et un autre texte qui s'appelle Le nouveau parvenu et la méritocratie, toujours par Gianpiero Bottinelli. La croissance économique qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale, soutenue notamment par une forte immigration et par le travail salarié des femmes, conduit à une hausse du niveau d'instruction et à une augmentation considérable du secteur tertiaire. Dans un contexte d'évolution technologique et de nouvelle globalisation perverse, le système n'a plus tant besoin d'ouvriers locaux que d'ingénieurs, de techniciens et de professionnels du marketing pour vendre plus de produits. Système qui génère, entre autres, une multitude de peurs et d'inquiétudes, ainsi qu'une augmentation de violences économiques, sociales, politiques, technologiques et écologiques. Revenons un peu en arrière pour tenter de comprendre quels effets cette évolution a pu avoir sur un certain nombre d'intellectuels de gauche, presque immédiatement après mai 68, paradoxalement, sont fondées de nombreuses chapelles marxistes, léninistes ou staliniennes, chacune détentrice de sa propre grande vérité, avec sa hiérarchie, ses dirigeants, son bureau politique. Par la suite, En 10 ans à peine, beaucoup de contestataires retournent leur veste et s'intègrent dans la gauche parlementaire où la social-démocratie n'a guère détesté. Ils y appliquent le même concept de réformisme pour le réformisme, de réalisme, de pragmatisme, tout en introduisant l'importance du besoin individuel de se réaliser, convaincu que la hiérarchisation est juste puisque déterminée par le mérite. Ils ne luttent plus pour changer la société, mais surtout pour un capitalisme moins agressif, pour renforcer un État en perte de légitimité à leurs yeux. Il s'agit par conséquent de s'intégrer aux institutions, de reprendre les rênes des mains de la génération précédente, une aubaine pour ces nouveaux intellectuels de gauche qui visent peu à peu des postes auréolés de prestige, de mérite. Cela les conduit également à s'impliquer dans le parlementarisme, à tenter l'ascension pour devenir de petits ou grands managers, technocrates, et des pontes dans le secteur public national ou cantonal, dans l'éducation, la justice, le social, la finance ou le parapublic, dans le fonctionnarisme toujours plus bureaucratique des organisations syndicales, sans oublier l'ascension dans les diverses professions dites libérales. Les voici, leur grand soir ou, pour les italophones, une solde d'avenir. Travailler pour huiler les rouages du néo-capitalisme et gérer l'État comme une entreprise. Le concept de politique de méritocratie n'a fait son apparition en Italie que depuis les années 70. À la différence de la France où la logique méritocratique règne en particulier dans le système des grandes écoles. Il s'agit du pouvoir du mérite, en d'autres termes. Intelligence, entre parenthèses, talent, plus effort, égal, mérite. Ce n'est plus le pouvoir transmis par dynastie, népotisme, clientélisme au piston, mais le fait que les postes de direction et spécialement la responsabilité des charges publiques devraient être confiés aux plus méritants, c'est-à-dire à celles et ceux qui font preuve de plus d'intelligence et de capacité naturelle en plus de leur implication dans l'étude et le travail. Et j'ajouterai à ceux qui parviennent à dégager le profit requis par le capital qui espèrent s'élever socialement. Il s'agit donc d'un système dans lequel le mérite détermine les hiérarchies, un terme assez proche de celui d'aristocratie dans son sens étymologique, c'est-à-dire le pouvoir exercé par les meilleurs. On pourrait citer les mots d'une ex-conseillère d'État socialiste tessinoise à propos d'égalité de chance. Garantir les mêmes opportunités à chacun, assurer que tous puissent démarrer sur la même ligne de départ, l'égalité, non pas à l'arrivée, puisque le chemin que nous parcourons dépend de nous, mais au départ, parce que celui-ci dépend des conditions dans lesquelles nous naissons. Voilà. Et donc, je vais tout de suite enchaîner sur un texte d'Attila Piskine, qui est un éditorialiste, un éditeur de Suède de nos temps. Voilà. Et qui parle, lui, plus de la gauche bien pensante, méprisante avec la classe ouvrière. Haineux. C'est un texte écrit en 2008 par Attila Piskine. Je ne suis plus jaloux, ni autant énervé, mais je nourris toujours une certaine haine. Je connais la plupart de vos codes, ce qui signifie aussi que je vois au travers de vous. Je vois ce que votre enfance a fait de vous, combien votre contexte social vous détermine, Je vois ça immédiatement, il ne vous faut même pas ouvrir la bouche. Le temps est venu pour vous de m'écouter. Ça ne devrait pas être trop difficile. Vous avez toujours plein de textes entre les mains. Vous avez l'habitude de lire, d'analyser et de discuter. Il vous faut seulement vous taire un moment. Vous avez discouru en long et en large sur la société sans glace. J'acquiesçais tout en réfléchissant dans mon coin. Mais ici et maintenant, c'est moi qui parle. Jamais votre révolution ni votre société sans glace ne deviendront réalité. Vous avez tout faux et je trouve détestable que vous ne le reconnaissiez pas. Tout ce que vous faites, c'est brandir un drapeau et invoquer de grands mots à propos d'une utopie, ça ne suffit pas. Je gravite dans vos milieux depuis si longtemps que presque aucun d'entre vous ne pourrait deviner que je viens de la classe ouvrière. J'ai appris à simuler. Si vous vous étiez davantage efforcé de nous comprendre, peut-être que nous n'aurions pas dû publier ce livre. Nous n'aurions pas dû nous cacher derrière vos habits, votre vocabulaire et vos manières. Vous auriez été forcé de nous accepter. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Nous pouvons être pénibles. Il nous faut parfois plus de temps pour saisir certaines choses et quand vous utilisez des mots compliqués, nous devons vous demander de les expliquer. Et ça nous met en rogne. Vraiment en rogne. Mais nous ne voulons plus attendre pour prendre la parole. Que vous l'approuviez ou non, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est que vous restiez tranquille et que vous écoutiez, pour une fois, prendre la balle dans notre camp. On joue à ce petit jeu depuis trop longtemps, trop souvent et trop parfaitement. Le travail sur ce bouquin nous a notamment montré qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux gens lorsqu'il s'agit de leur prétendue origine sociale. Il est devenu évident que de nombreuses personnes prétendent appartenir à la classe ouvrière sans rien avoir à faire avec elle en réalité. Ça a profondément ébranlé ma confiance en la sincérité de beaucoup de monde. Yella publie notre bouquin. On a associé avec... Avant la maison d'édition syndicaliste fédérative. Mais, malgré notre insistance, rien ne s'est passé. On n'aurait rien reçu, ni leur accord, ni leur refus. Voilà pour la lutte des classes. Bien sûr, on est content d'avoir trouvé un éditeur anarchiste pour notre bouquin. Et Yella jouit d'une certaine estime auprès des personnes militantes à qui nous adressons. Ça veut dire que tout va bien ? Évidemment non. Il n'a pas été simple d'accepter de confier notre travail à un groupe de personnes qui ont les moyens d'exploiter une maison d'édition non commerciale. J'ai dû me résigner à l'idée de faire relire nos textes à des gens de classe moyenne. Pourquoi ces gens-là devraient-ils me dire ce que je dois écrire et de quelle manière ? Un forum de classe a été organisé à Malmö au printemps 2007. La classe ouvrière devait y être examinée sous différents aspects. Certains d'entre nous y sont allés et ont parlé de notre projet de livre devant un public large et médusé. Le forum s'est pourtant révélé concentré sur tous les problèmes qui émergent lorsque c'est la classe moyenne qui décide de la manière dont il faut traiter de la question des classes. Bien que la majorité des organisatrices et organisateurs soient d'origine ouvrière, les histoires d'ouvriers n'ont pas pris le devant de la scène. Le forum se déroulait à Rosengart, un quartier connu pour son taux de criminalité élevé, sa forte population immigrée et Zlatan Ibrahimovic. C'est un endroit très chargé symboliquement. La plupart des habitantes sont de la classe ouvrière. Je ne sais pas ce que les organisateurs et organisatrices avaient entrepris pour intégrer ces gens au forum. En tout cas, Il, elle, n'y était pas. Le public était constitué de Suédois, Suédoises, jeunes et blondes. Les universitaires dominèrent les discussions pendant les 2 jours. Comment est-il possible, dans ces conditions, d'aborder sérieusement la problématique des classes? Comment est-ce possible, quand toutes les personnes qui analysent et débattent ont effectué une ascension sociale, ont déjà grandi dans la classe moyenne? Je hais l'uniformité de la classe moyenne. Évidemment, ça existe aussi dans la classe ouvrière. Sois propre et discipliné, travaille dur et convenablement. Mais la classe moyenne est quand même meilleure sur ce plan. Ça se voit dans toutes les batailles sur les marchés de la formation et du travail pour un statut social. Sur ce plan, la classe moyenne l'emporte toujours sur la classe ouvrière. La formation est particulièrement importante pour la classe moyenne. Mais qu'est-ce qui est si génial là-dedans? Semestre après semestre, les gens étudient tout ce qui est possible, puis, à un certain moment, ils choisissent ce qu'ils souhaitent vraiment devenir. Ils, elles, étudient encore quelques années, considérant que tout ce processus est nécessaire. Mais quel est le problème avec les 9 ans d'école obligatoire? Il y a des étudiants qui travaillent comme infirmiers et infirmières pendant leurs études. Font-ils, elles, partie de la classe ouvrière pour autant? Dès qu'ils, elles, auront leur diplôme en poche, ils, elles, ne devront plus jamais nettoyer la merde des autres. Ils, elles, accèdent à des boulots épanouissants, passionnants et intéressants. En bibliothèque, dans le social, peut-être en programmation ou dans la psychologie. La liste est longue. Parfois, c'est l'occasion d'un engagement sincère pour aider des personnes qui sont dans des conditions difficiles. Mais dans la plupart des cas, cet engagement disparaît au fil des années. Une autre façon de parvenir, c'est de se hisser dans une profession, réussir à acquérir le pouvoir et les compétences qui sont indispensables afin d'avoir d'autres personnes sous ses ordres. Toutes les professions n'offrent pas cette possibilité. Comment veux-tu te hisser quand tu sers de la nourriture dégueulasse à de sales gamins d'une école primaire au fin fond du pays? Pour t'élever, il te faut aussi être dans une profession où il est possible de s'élever. Il te faut un boulot qui t'assure un statut. Mais les boulots de ce genre restent en général dans le cercle familial. Le statut est ainsi préservé de génération en génération. Peut-être vous étonnez-vous de ce que je m'adresse pas aux véritables crapules, les capitalistes, les exploiteurs et exploitrices, les vrais méchants, les bourgeois bourgeoises. Eh bien, ma réponse est simple. Ceux et celles-là n'éprouvent pas de honte ni ne simulent. Les bourgeois bourgeoises assument ce qu'ils elles font, sont, et ils ne prétendent pas être quoi que ce soit d'autre. Leur puissance est si évidente depuis des générations que l'impuissance ne rentre simplement plus en compte. Ils, elles, ne se sentent ni provoqués, ni menacés. Il est incroyablement difficile de se faire une place parmi les bourgeois. Ça n'a pas à voir avec l'argent, mais plutôt avec l'héritage social. Par contre, le rapport entre la classe moyenne et la classe ouvrière est différente. Il s'agit de lutte. Il est possible, en tout cas ici en Suède, de s'extraire de la classe ouvrière vers la classe supérieure, bien que ça prenne du temps et que ça ne réussisse pas toujours. Toutefois, suite à une ascension sociale réussie, le passé ne s'efface pas. La plupart de celles et ceux qui ont accédé à la classe moyenne passent toute leur vie à défendre leur statut nouvellement acquis, à suivre attentivement les informations nécessaires et tenir le rythme dans les discussions. Pour la classe moyenne, le savoir, c'est de l'or. On brille dans les conversations uniquement pour briller dans les conversations. C'est nécessaire pour préserver son statut. La mauvaise conscience dont souffrent beaucoup de gens de classe moyenne est une conséquence du rapport compliqué entre la classe moyenne et la classe ouvrière. La classe ouvrière en fait les frais sous plusieurs aspects. J'ai toujours particulièrement haï cela. Ça prend parfois des formes très étranges. Par exemple, lorsque des gauchistes de bonne famille choisissent un boulot d'ouvrier pour se pavaner devant leurs amis de classe moyenne en se vantant de s'être bougé le cul dans un vrai boulot, je trouve insupportable cette idéalisation de la classe ouvrière. Les gens de classe moyenne ont l'opportunité de choisir ce genre de boulot. La plupart ne font ça que quelques années, peut-être même seulement quelques mois. Puis ils font une formation et une carrière dans la profession de leur rêve. Pour la classe moyenne, voyager dans la classe ouvrière, c'est une forme de tourisme comme une autre. Quelque chose qui enrichit l'expérience. Quelque chose dont on peut revenir. Pour les ouvriers et ouvrières, il n'y a pas de retour possible après une ascension sociale. Ils, elles, quittent leur milieu social, perdent leurs amis et parfois leur famille. Ils, elles, débarquent dans un endroit inconnu, doivent s'installer en partant de rien. C'est étrange de voir des gens de classe moyenne parmi mes amis là où je travaille. Difficile de se débarrasser de l'impression qu'ils ne sont pas vraiment à leur place. Un sentiment où se mêlent jalousie, méfiance, inquiétude, haine et insécurité. Pour conclure, comment tout ça pourrait s'améliorer? Est-ce que ça m'importe vraiment? Ou bien me suis-je retiré dans un coin où ma haine me suffit? Difficile à dire. En tout cas, je veux que vous nous écoutiez plutôt que de nous prendre en pitié. Arrêtez d'avoir honte de vos origines. Ça ne vous aide pas. Et nous non plus. C'est seulement une fois que cette honte sera surmontée qu'on pourra se battre côte à côte, si c'est bien ce que vous voulez, ce que nous voulons. Sinon, tout restera inchangé et la haine continuera. Attila Piscin.